father's side, my grandma, my mother, again, Uber driver, Instagram DMs, you know who you are, the woman, table five. Clubbing, on voyage beaucoup. En quelques instants, nous sommes allés dans cette bonne vieille ville de Seattle, si chère à l'esprit punk et grunge. Et puis c'était le groove de la Nouvelle-Orléans avec John Baptiste, qui a travaillé avec des ozos comme Prince ou Stevie Wonder. Et là maintenant, c'est Shook qui entre en piste. Et nous sommes aux Pays-Bas. Is it still in place? It's not myself. La nuit des temps, Radio Dio. Plutôt que de rejoindre un centre de loisirs comme c'est courant au Japon, Eri, elle, a préféré intégrer un groupe pour faire du chant. En 2016, elle sort un premier album et c'est un carton. En 2023, c'est Starlight. Et vous savez quoi? Il y a du Everything But The Girl dans ces lumières d'étoiles, comme autant de poussières dorées qui prolongeraient les années 80 à l'infini et pour l'éternité. La nuit des temps, l'international de la danse. No, no, my place, though, oh, oh, I get there, like a moon, got the wall, so I don't have the day, yo, no, cause it won't look at you. Nigga, I'm a chain of sender, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, down in Mexico, and so I stopped a while to see the show. I knew that fantasy meant please love me, and I could say fantasy. A handsome caballero caught my eye. I stood enchanted as he wandered by, and never knowing that it came from me, I went and said fantasy. He reached up and raised his eyes to mine. His lips just pleaded to be kissed. His eyes were soft as candle shine. So how was I to resist? And now without a heart to call my own, a greater happiness I've never known. Because his kisses are for me alone. Who went and said, son Shop Records à Berlin. C'est Cinti. Won't you take me? Vous êtes sur Duo. C'est la traversée des jeudis soirs. Won't you take me? Nuit des temps, Radio Duo. Thank you. avant de s'appeler Ray Parker Jr. et de signer le hit du film Ghostbusters, il y avait un groupe qui s'appelait Radio. Ray avec un Y. Et encore avant Radio, Ray Parker Jr. était un musicien de studio très recherché encore par Stevie Wonder, mais aussi Barry White. You can fight what you feel. Tu ne peux pas combattre ce que tu ressens. Nous sommes en 1981. Et ce sera notre mantra basse ce soir. La nuit des temps, l'international de la danse. Synthwave n'en finit pas de nous transporter quelque part entre les années 80 et le son de la côte ouest américaine au mois d'août de l'année 1978. C'est Shook Take a Picture. C'est offert par Feu Kodak. C'est parti, et avec lui mes soirées de folie. Mon Borsalino bleuté reste chez moi accroché dans l'entrée. Nuit brésilienne en plein Paris, c'était la folie. Les étoiles du ciel se mélangent aux lumières oranges. Un peu de sable brésilien sur les quais parisiens. C'est la folie des latins jusqu'au petit matin. Il n'a pas de terre à ses souliers. Floride ou Californie, il ne sait toujours pas où il fera son nid. Nuit brésilienne en plein Paris, c'était la folie. Les étoiles du ciel se mélangent aux lumières oranges. Un peu de sable brésilien sur les quais parisiens. C'est la folie des latins jusqu'au petit matin. C'était le hit de 1985. Christophe Laurent avait signé sur un label minuscule qui n'aura duré qu'une année, Elbaze Records. Il se souvient de ses soirées brésiliennes à Paris, entre deux cours de tennis et nuit de samba avec le chanteur Christophe. Et vous savez quoi? Un peu de sable de Copacabana. Et c'était bien, c'était de la folie. Un jour il reviendra, comme le Corcovado, les bras en croix. Il me demandera où est-ce qu'on va pour danser la samba. Et on ira à Rio pour manger des glaces. On fera le Brésil à Paris au fond d'une impasse. Nuit brésilienne en plein Paris, c'est de la folie. C'est la folie des latins jusqu'au petit matin. On est bien. Comme Christophe Laurent, on continue avec les musiciens de studio. Mais cette fois, on va vraiment au Brésil. Nous sommes en 1982. C'est Robson Yorg et Lincoln Olivetti. De deux super musiciens qui ont sorti un seul album. Un album emblématique aujourd'hui pour les collectionneurs de sons. C'est l'un des vinyles les plus rares et les plus précieux du Brésil. Robson Jorge. Of a wish sandwich? Well, it's the kind of a sandwich that you're supposed to take. Two pieces of bread and wish you had some meat. Do do do bo. Gal gal, lovin' in the blubber blubber. Love ride a hip a dip a zip a dip. Oh, love the mail, take a lover hover. He ride a one a dip a record record. Oh, love the mail, take a lover hover. He ride a hoodie with his lover lover. Oh, love the mail, take a lover hover. He ride a hip in the hover lover. I love the something that a jigger want. The other day, I ate a ricochet biscuit. Well, it's the kind of a biscuit that's supposed to bounce off the wall back in your mouth. If it don't bounce back, you go hungry. Do do do bo. Cow cow lovin' the lover lover. I love the thunder lover do. He ride a truck a lover lover do. I love the thunder lover lover. All hell the magic lover lover. He ride a one a double lover lover. All hell the magic lover lover. Bend down a lovin' the lover do. He ride a slip it a hopper do lover. The other day, I ate a cool water sandwich and a Sunday go to meat and bun. Do do do bo. Cow cow lovin' and I'm lovin' lovin'. Hell ride a ricky ticky hover lover. I love the wonder lover lover. Here ride a livin' in a hover lover. Hell ride a hovin' in a wonder. Here ride a one a never ragga ragga. All hell come hell ticky lover hover. Bring down a wonder lover lover. Here ride a hovin' in a gun lover. What you want for nothing? A rubber biscuit? Do do do bo. Cow cow ooh. Okay, now for the tone up. If you still feel that you want to stand on your feet and do some more stretches, that's fine. If you think it's time to get down on your backs to work on your abdomens, that's fine too. Just remember, breathe and keep it strong. Let's go. Nous, à la nuit des temps, on est très fitness. Petit col en moulant, couleur fluo, on est paré. Et en plus, on est très très très Shiva. Shiva, elle est au noir. Going strong? 7 minutes into it. We've got lots of time left. Keep going. And breathe. In and out. Press your spine against the floor and breathe. More, three more, two more. Keep it neat, don't get sloppy. Remember, we're doing this for you. And again. Oh. Et voilà, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Un club ce soir qui dressait haut et fort ce mantra. Mais oui, tu ne peux pas combattre ce que tu ressens. You can fight what you feel, c'était avec Ray Parker Jr. Mais avant, nous avons honoré par mi-pétale de rose, Klein Zage, pas si petit et pas si sage. Ou encore John Baptiste avec son clair de lune par-dessus les nightclubs. Et Chouk. Chouk, eh bien c'était notre powerplay de la semaine avec sa digitale Dizzy Satisfaction. Mais par contre, c'était pleinement satisfaction avec Mr. Twin Sister ou le Starlight de Eri. Eri, à lire et écouter dans les deux sens. Et Betty Carter aussi, avec sa frénésie. Et que fait-on des nouveaux espoirs de Nello Vachez? On les roule en boule et on les joue à pleine puissance pour les mixer avec The Alchemist. Et juste après, on a voyagé et on a dansé immobile parmi les nuits brésiliennes en plein Paris. Ça, c'était Christophe Laurent, telle une sorte de Pessoa de la discothèque. Mais comme on est sur duo, on est finalement vraiment parti à Rio avec Robson Jorge. Et que dire du Rubber Biscuit de The Chips? Ça, c'était le clin d'œil à Scorsese. Dans quelques instants, les bonus surprises de la nuit des temps. Ça, c'est juste Perforo pour faire la jonction avec Axel qui est de retour et son public fou et son qui ou quoi. Ça va causer bouquin et promis, c'est vachement moins chiant et plus drôle que la grande librairie. Juste le temps pour nous de lever le nez vers les étoiles, de profiter du ciel de Saint-Étienne, de rester bien au chaud sur Dio et dans les airs pépères. Buona notte, salut! La nuit des temps, Radio Duo.